oses-tu me parler de politique? Toi, toi qui n'as pas connu Mario, Mario, Mario reste quoi? Il fait un vide comme un latticouère. Qui décolle en vibrant vers les cieux africains. Il a de ses yeux un vrai abysse. C'est deux pommettes. Quand je les vois, je m'abandonne comme Moretti quand se fit rire Berlusconi. Quand dans son regard cyclopéen j'enfoncerai mon pieu tel l'idée de mer. La verrède, plutôt amère. C'est moi, grand Dieu, qui n'y vois plus rien. Torride de son règne, on peut voir éclore des renoncules dans son derrière. Et par devant un conifère qui me rappelle, je me rappelle un petit air. Un air canadien.